Douimane. Merci d'être avec nous sur les Sanganiro, c'est le moment du journal en français. Au sommaire de cette édition, la fin des travaux de construction de la salle des conférences internationales située dans le quartier Rohero à mairie de Bujumbura est projetée dans 4 mois, a dit le commissaire général de l'Office burundais pour la construction et l'urbanisme. Des porte-paroles de différentes institutions du pays ont répondu aux questions des journalistes et de la population dans une émission publique qui a eu lieu à Karoussi. Dans ce journal, on revient principalement sur la question du projet de code électoral pour les prochaines élections et la carte biométrique qui sera utilisée. Le 29 mars, c'était ce vendredi, c'est la journée mondiale de l'allaitement. Un nutritionniste nous dira qu'une mère doit allaiter son enfant 8 fois par jour. On vous propose aussi un micro-trottoir réalisé dans les rues de Bujumbura sur ce sujet. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Justice pour ouvrir ce journal. Une peine d'emprisonnement à perpétuité en dédommagement de 15 millions et l'interdiction des droits civils, civiques et de famille. Voilà la peine prononcée contre 3 hommes de la colline Kasserigue sur la colline Kasserigue dans la commune Muruta de la province Kayanza par le tribunal de grande instance de Kayanza. C'était dans un procès de flagrance ce vendredi. Ils ont été accusés d'un meurtre prémédité d'une femme de la colline Kasserigue dont le corps a été retrouvé dans une latrine ce mardi de la semaine en cours. 2 prévenus parmi ces 3 ont plaidé non coupable. 1 a plaidé coupable, expliquant qu'il a tué cette femme qu'il avait enceinté pour éviter des conflits dans sa famille au cas où cette situation serait connue. Les travaux de construction de la salle des conférences internationales située dans le quartier Rohero à mairie de Bujumbura atteignent plus de 80%. Dans un point de presse animé ce vendredi, le commissaire général de l'Office burundais pour la construction et l'urbanisme, Obuha, a expliqué que les grosses œuvres sont déjà achevées et qu'il reste les travaux de finissage. Leonidas Nibigira a affirmé que les problèmes de climatisation qui constituaient jusqu'ici des défis sont en cours de résolution. Il projette la fin de tous les travaux dans 4 mois, sauf en cas d'imprévu. Écoutez le commissaire général de l'Obuha, Leonidas Nibigira. Il s'agit d'un grand chantier qui revêt un caractère vraiment exceptionnel. Ce caractère a fait qu'il y ait beaucoup de dispositions spécifiques propres au grand chantier type. Et là, je voudrais dire qu'à côté de la première partie principale, la grosse œuvre, la structure est en place et nous sommes dans la phase de finalisation, ce que nous appelons communément phase de finissage, qui inclut pas mal d'aspects. Vous avez vu notamment qu'il y a énormément de pas franchis dans le sens de l'aménagement extérieur, où nous voyons que le volet qui concerne notamment tout ce qui est aménagement des jardins, parce que là, ce sont des aspects qui sont souvent difficiles à accélérer. Les fleurs, par exemple, vous ne pouvez pas, hélas, accélérer le rythme de croissance. Mais toutes ces dispositions-là sont en place pour atteindre les autres dispositions que nous pouvons accélérer à notre guise. Ce qui a freiné principalement l'allure de travail, c'est que depuis que nous avons été engagés sur ce terrain, il y a notamment une étude qui bloquait la commande de dispositifs de climatisation. C'est notamment l'étude ou le design, parce qu'il fallait des informations relatives à combien de périphériques est-ce qu'on doit installer, où est-ce que nous devons les installer, quels sont leurs calibres, et j'en passe. Et heureusement, ces études sont déjà à commandité. Nous sommes déjà en train d'accélérer l'obtention de ces données-là. Je dirais que nous sommes en tout cas au-delà de 80%. Si je me réfère non pas au budget, mais si je me réfère au niveau des travaux à exécuter. Les 20% à parcourir peuvent être parcourus relativement très rapidement. Et donc, on peut se dire que d'ici à mi-août, il est possible que nous ayons le chantier terminé. Mais nous espérons que si tout se passe bien, s'il n'y a pas des aléas, il y a moyen que nous pouvons diminuer ce timing. Et certains parents de la capitale Bujumbura indiquent qu'elles n'allaitent pas leurs enfants convenablement puisqu'elles ne parviennent plus à se nourrir comme il faut. Elles avouent qu'elles sont contraintes de sevrer très tôt leurs enfants. Au moment où le 29 mars de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de l'allaitement, ces parents demandent au gouvernement de les aider à développer des activités génératrices de revenus pour qu'elles puissent trouver à manger. Suivez-les. Pour pouvoir allaiter, il faut que tu sois bien rassasié. Si tu le fais étant affamé, tu allaites un petit moment et tu te dépêches d'aller chercher de quoi manger. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont été semées d'arrêter le commerce ambulant. La faim nous guette vraiment. Une maman peut allaiter alors qu'elle a passé la journée sans manger. Et le lendemain, la situation peut se présenter ainsi. Il arrive que ce soit difficile pour elle de trouver à manger. Ce n'est plus possible d'allaiter un enfant pendant 6 mois. Maintenant, nous le faisons pendant 4 mois au maximum. On donne de la nourriture à un enfant d'un an et demi. Ce n'est plus facile d'allaiter. La famine guette nos enfants dès le bas âge. Ce n'est pas facile de trouver de quoi manger. Ici, nous avons la chance d'avoir cette nourriture. Trouver un moment pour nous asseoir et en profiter est difficile. Donc, trouver la nourriture qui permet de stimuler le lait maternel est quasi impossible. Si on considère la situation dans laquelle je vis, j'allaite mon enfant 4 fois par jour, surtout pendant la nuit. Que ces femmes qui font le commerce ambulant ne soient plus malmenées et que celles qui font le petit commerce soient mieux considérées pour que nous puissions vivre de notre commerce. Les gens font face à une famine. On n'a pas où trouver des revenus. Aujourd'hui, une personne qui veut trouver de quoi manger en faisant le commerce ambulant est malmenée. Comment est-ce que le Burundi va faire face à ce problème et lutter contre la faim? Ces derniers temps, on entend énormément de choses à propos de l'allaitement. Beaucoup d'entre nous ne savent pas quand est-ce qu'il faut allaiter et comment on le fait. Qu'on fasse plus de sensibilisation avec les parents. Le micro-baladeur de la rédaction sur cette journée mondiale de l'allaitement. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le chercheur en nutrition Jean-Paul Ouineza nous a dit qu'une mère doit allaiter son enfant 8 fois par jour et doit consommer des céréales, légumes, fruits et autres aliments riches en lipides, vitamines et graisses, sans oublier de l'eau. Il affirme que la consommation équilibrée de ces aliments protège les enfants contre les maladies. Il est au micro d'Omer Ndouayo. Une mère ou bien la femme allaitante doit consommer un aliment très riche en protéines, en vitamines, très riche en lipides, très riche aux antioxydants et aussi les fibres végétales alimentaires qui doivent quand même fournir des éléments très essentiels à son organisme et aussi à l'organisme de son bébé. Surtout les légumineuses qu'on appelle les soja, par exemple. Le soja contient des éléments nutritifs, par exemple des bons lipides, des bonnes protéines, contiennent aussi des bons minéraux, des fibres végétales alimentaires et aussi des éléments qu'on appelle les antioxydants ou bien les phytonutriments qui sont très essentiels à la femme allaitante. Le bébé aussi va bénéficier parce que le bébé est en train de têter les éléments vraiment très nutritifs. Ce n'est pas seulement des soja que la femme doit consommer. Elle peut consommer d'autres aliments, d'autres céréales comme les blés, les haricots, d'autres légumineuses. Et aussi, la femme allaitante doit consommer abondamment des légumes et des fruits, sans oublier aussi de l'eau. L'eau est un élément très essentiel à la femme allaitante pour éviter la constipation chez le bébé. Il y a des femmes employées quelque part, elles ne trouvent pas trop du temps pour allaiter leurs enfants. Y a-t-il un problème? Si la femme n'allaite pas correctement son bébé, au fait, son bébé peut tomber malade quelquefois, bien de temps en temps, et aussi le bébé ne va pas avoir la bonne croissance. Si le bébé est bien allaité, il est protégé contre beaucoup de maladies, des kwashiorkor par exemple, la dénutrition chez les bébés ou bien chez les enfants. La femme doit allaiter son bébé au moins 8 fois par jour, c'est-à-dire pendant 24 heures. Par exemple, la journée, l'enfant doit téter au moins 5 fois à 6 fois et 3 fois pendant la nuit. Pour les mamans qui n'ont pas de temps suffisant pour allaiter les enfants, il faut quand même chercher le temps de pouvoir corriger son problème. Sinon, les enfants ou bien les bébés peuvent quand même contracter beaucoup de maladies. Mais quand les enfants sont allaités correctement, ils sont protégés contre beaucoup de problèmes et ils ont quand même de la bonne croissance. Alors, nous voudrions dire aux mamans qu'elles doivent quand même bien allaiter les enfants et aussi le temps suffisant. Il faut aussi allaiter les enfants jusqu'à ce que les enfants soient bien rassasiés. Le chercheur en nutrition Jean-Paul Ouineza est selon l'Organisation mondiale de la santé, le lait maternel est l'aliment idéal pour les nourrissons. Il contient des anticorps qui protègent des maladies infantiles courantes. L'OMS recommande aux mères d'allaiter exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois et continuer l'allaitement maternel jusqu'à 2 ans en y associant des aliments variés. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le projet de code électoral pour les prochaines élections au Burundi se trouve pour le moment sur la table des instances juridiques après son élaboration par le ministère de l'Intérieur. Cela a été dit ce vendredi par le porte-parole de ce ministère lors d'une émission publique des porte-parole de différentes institutions qui s'est déroulée à Karoussi. Et concernant la carte d'identité biométrique qui sera utilisée lors de ces élections, Pierre Nkurikiye fait savoir qu'elle sera mise en place cette année après le recensement général de la population en cours. Et lors de cette émission, le porte-parole du président de la République a quant à lui rassuré que la société pétrolière nouvellement mise en place pourra régler le problème de pénurie du carburant au Burundi. On fait le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakoman. Lors de cette émission publique qui a été animée ce vendredi au chef-lieu de la province Karoussi par les porte-parole de différentes institutions étatiques, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a indiqué que le projet de code électoral des prochaines élections prévues au Burundi est déjà là et que les instances juridiques s'emploient à nettoyer ce texte. Concernant la mise en application du code électoral pour les prochaines élections prévues au Burundi, au sein de notre ministère, nous avons terminé à analyser ce code et pour le moment, nous l'avons déjà transmis aux instances juridiques de haut niveau. Concernant la carte d'identité biométrique qui sera utilisée lors de ces élections, Pierre Nkurikiye fait savoir que sa confection dépendra des données qui seront issues du recensement général de la population prévu le mois d'août. En ce qui concerne la carte biométrique qui sera utilisée lors de ces élections, le processus est en cours et cette carte sera mise en application cette année après les résultats du recensement général de la population prévu pour le mois d'août. Lors de cette émission, le porte-parole du président de la République, Sévori, rassura quant à la capacité de la nouvelle société pétrolière à réussir sa mission en approvisionnant le Burundi en carburant. Cette société sera à la hauteur de gérer les problèmes liés au manque de carburant, car vous avez constaté qu'il y a eu des problèmes liés au manque de carburant suite au défi du transport de ce produit depuis la Tanzanie. Voir qu'il y aurait un cadre qui sera chargé, ça donne l'espoir que cette société Sepebu va faire face au manque de carburant avant que la situation ne soit pas grave. Rosine Guilene Gatoni tranquillise les autres sociétés importatrices de carburant, à savoir qu'ils vont continuer à travailler comme d'habitude. Lors de cette émission, le porte-parole du ministère en charge du commerce et des industries a de son côté affirmé que les activités conjointes de la société sucrière Dimonso Sosumo et la société ougandaise Sarai Group vont démarrer officiellement le 18 avril 2024. Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Et les activités précensitaires pour le prochain recensement de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage arrivent à un niveau satisfaisant. Révélation de Nicolas Ndayishimiye, président du bureau central de recensement BCR en sigle, après la réunion d'évaluation des membres du comité national d'orientation pour le recensement. C'était sous le patronage du premier ministre Gervais Ndirakobuca. Même si ces activités se déroulent normalement, des défis ne manquent pas, c'est notamment le manque de carburant et la méconnaissance des limites des entités administratives de la part de certaines autorités à la base, selon Nicolas Ndayishimiye, qui se réjouit des solutions dégagées au cours de la réunion qui s'est tenue ce vendredi dans les enceintes de la présidence de la République. On l'écoute, ses propos ont été recueillis par Évariste Nzikobanyanga. Le Sénat a noté qu'il y a des défis techniques et a formulé aussi des recommandations techniques au BCR pour que ces défis puissent être relevés. Et le Sénat a noté aussi qu'il y a des défis liés au découpage administratif qui sera mise en œuvre à partir de l'année 2025. Et au niveau de ce découpage, nous constatons que certains chefs de Corine ou chefs de quartier ne maîtrisent pas les limites des entités administratives qui seront utilisées avec la nouvelle loi sur le découpage administratif. C'est pourquoi le Sénor a demandé à ce que les gouverneurs de province et les administrateurs communaux s'impliquent davantage en aidant les chefs de quartier et les chefs de Corine à avoir la maîtrise des limites administratives selon le nouveau découpage. Le Sénor aussi a saisi cette occasion pour remercier tous les partenaires techniques et financiers, les partenaires au développement qui ont déjà répondu favorablement en soutenant le processus du recensement, soit par appui technique, soit par appui financier. Et lance un appel aux autres partenaires qui n'auront pas encore fait d'emboîter les pas à ceux qui l'ont déjà fait. Enfin, le Sénor constata que l'opération du recensement, c'est une opération qui demande à ce qu'il y ait une communication rapproche des ménages et des populations résidentes au Burundi. Donc, lance encore un appel à toute la population résidente au Burundi pour qu'elle sache que le recensement en cours, c'est d'abord une opération de souveraineté nationale. Et le Sénor appelle à la population de répondre massivement et positivement à toutes les activités qui sont en train d'être réalisées afin que les données qui seront collectées puissent permettre au Burundi d'avoir des indicateurs de base qui vont servir dans le suivi et la mise en œuvre de la vision actuelle. C'était Nicolas Ndayishimiye, président du bureau central de recensement. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimane.